l'économie de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Parfois, par chance, on trouve un sourire dans ce monde d'escrocs, d'aigrefins et de sinistres décavés. Et souvent, on y déniche des chansons, car le feuilleton dont nous allons suivre les épisodes 4 et 5 est tiré du roman d'un chansonnier, Aristide Bruand. Elle avait sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. Les bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Stein. D'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, quatrième épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand. Et dans les principaux rôles, Dominique Paturel, Yvonne Clèche, Claude Richard, Michel Pâtre, René Renaud. Réalisation Claude Roland Manuel. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. Chaque fois que je chante cette rose blanche, monsieur de l'Excelsior, je ne peux m'empêcher de penser à la petite rose aimée et à toutes ses semblables. Cette petite Rose Aimée, comment est-elle morte ? Non, Rose Aimée n'est pas morte. Ah, mais voyons si je m'en souviens bien. Le comte de Charmeuse, écrasé de dettes, accepte de donner son nom et son titre à la fille du banquier Bonnaire, Adrienne, contre un mariage blanc et une dot confortable. Celle-ci attendait un enfant, qui sera une fille, du jeune architecte Jean Robin, à qui le banquier Bonnaire a refusé la main de sa fille pour crime de pauvreté. Le comte opère une substitution d'enfant. Sa propre fille, donc celle de Valentine, sa maîtresse, prend dans le berceau la place de la fille d'Adrienne et de Jean Robin, prénommée Rose Aimée, et que le comte de Charmeuse emporte hors de son hôtel. Il remet le bébé au truand Ragdal avec une somme de 50 000 francs. J'avais compris que le comte, n'osant le faire lui-même, espérait que Ragdal ferait disparaître Rose Aimée. Oui, Rose Aimée, l'enfant de l'amour, né pour l'opulence, allait entrer dans la vie par la porte de la misère. Rejetée, condamnée par le comte de Charmeuse, promise à toutes les douleurs imméritées. Mais revenons donc au soir où le comte confie Rose Aimée à Ragdal. Un Chopin qui me tombe du ciel. Ou de l'enfer. Je vous vois venir avec vos gros sabots vernis, monsieur le comte. Seulement Ragdal est tout ce qu'on veut, sauf un assassin. Et n'empêche que les mômes, c'est pas mon rayon. Ça pince dire, bourgeois. Où allons-nous ? À propos de Chopin. Voilà ce qu'il me faut. Chez Chopin lui-même, parbleu. Il y a une éternité que je le néglige, ce vieux pote. Ce cher Jean-Baptiste, ce bon JB. Et sa femme, donc. Cocher, à Belleville. Mon fief. Ah, si j'étais député à Belleville. Bruand, il a composé un chouette truc là-dessus. si j'étais député, ohé, ohé, qu'on se le dise, j'ajouterais humanité. Aux trois mots de notre devise, au lieu de parler tous les jours, pour la République, pour l'Empire, et de faire de longs discours pour ne rien dire, je parlerai des petits fieux, des filles mères, des pauvres vieux qui l'hiver gèlent par la ville. Ils auraient chaud comme en été si j'étais nommé député à Belleville. Je parlerai des vieux perclus qui voudraient travailler encore mais dont l'atelier ne veut plus et qui traînent jusqu'à l'aurore sur le dur pavé de Paris, leurs refuges, leurs invalides, errants, chassés, honteux, meurtris, les boyaux vides. Je parlerai des petits fieux, des filles mères, des pauvres vieux qui l'hiver gèlent par la ville. Ils auraient chaud comme en été si j'étais nommé député à Belleville. Ça continue là-dedans, la godaille du réveillon. Amusez-vous bien, bourgeois. Salut. Bonjour, Actal. Bonsoir, la compagnie. Vous voyez, je vous amène de la société. Oh, chouette alors, encore un gosse. Deux verres de plus, Fifi. Mais tais-toi, sous l'eau, t'as bu comme un buvard. On va t'y se coucher à la fin des fins, la marmaille tombe de sommeil. Tu me fais de la peine, ma femme, moi qui t'ai apporté à vous quelques heures de si bon cœur ce matin. Quelle heure est-il, ma grosse fesse d'amour? Oh, mais pas loin de minuit. Bah, il manque que deux kills pour faire la douzaine. Et une bouteille à l'heure, voilà. Allez, apporte. Et tout le monde en aura, toi aussi, tout aussi. Mon dernier, Ragdal, hier quand lui a fait sucer du lolo jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et t'as deux berges. C'est à vous, l'enfant là que vous portez. Il est mien, oui. Hélas, Madame Chopin. Et comme ça, Monsieur Ragdal, vous trimballez vos gosses en pleine nuit, drôle de biberon. Alors, je vous explique. Que je pose un peu d'abord la mominette. Tiens, voilà, ce panier d'osier fera l'affaire. C'est gros comme 6 milliards de beurre et ça finit par peser. Une fille. Ah, une Mazette. Beau linge, mes compliments. Son nom est brodé dessus. Rose aimée. Ah, joli tout plein. La ferme, Fifine. Tout à l'heure, tu sauras tout. Et combien de mômes vous avez? Je sais pas, j'arrive jamais à les compter. Tu comptes mieux les bouteilles? D'où que ça me vient, tout ça? Bon sang, les mouflets, c'est ma passion. Oh, bien, des questions et du jury. Ben quoi, Ragdal nous amène une môme, mais je vois pas pourquoi on trinquerait pas à sa santé avant tout. T'as raison, JB, à la nôtre. Et à celle de l'enfant. Rose aimée. Ah, tiens, vrai digue. À la tienne. Tiens, ami. Frère. Au fond, mais t'es qu'un sale locheur, on ne voit plus. Ben, figure-toi, c'est toute une histoire. Ah. Figure-toi qu'un soir, il y a de ça un an, je vois arriver chez moi, devine qui? Ma femme, mon vieux. Ah. Elle pleurniche, je me laisse attendrir, et nous voilà réconciliés. Une vraie romance. Ben, ça mérite un verre. Une tournée d'honneur aux camarades, Fifine. Trinquons. Oui, juste pour trinquer. On a vécu l'année. Il y a 8 jours, elle accouche de cette môme-là. Je pensais que ça allait resserrer les liens de notre conjugaux. D'abord, il y avait notre fils qui va sur ses 8 ans. C'était gentil, un garçon et une fille. Hardi, 2 couplets pour la romance, c'est pas assez. Repeuplons, Ragdal, repeuplons. Cap dans le tas. Allez, va te faire fiche. Hier soir, je rentre au nid, vide. Ma femme avait fait la valise avec le fils en me laissant un mot pour m'annoncer qu'elle me refilait la petite en partage. Un vrai coup dur. Pauvre vieux. Ah bien, remplissons les verres en manière de condoléances. tu l'aimais bien, comme moi, ma fifine. Et pourquoi ces confidences, monsieur Ragdal? Oh, attends, il m'en prend une bien bonne. Et t'as laissé la Gosseline, pour vrai. C'est qu'elle est toi, pas d'erreur, mais ta bourgeoise a embarqué ton fils. C'est qu'il est à elle et à un autre. Et toi, t'y es pour que dalle dans ce fiston. Sûr comme deux chopes une fois un litron. Allez, servez, là. Ah non, mais il faut voir ta tête. Ben, tu l'es, quoi. Je suis pas le seul cocu, hein. T'es cocu. Voilà, t'y pas une belle affaire. Qui est pas cocu d'abord? Moi, je suis de naissance. Ah ben, ça, je le jure sur le fessier de ma fifi. Cocu de naissance, ah, mais qu'en dis-tu, mon colon? Tu penses que je peux pas garder la petite? Oh. L'envoyer en nourrice? Bon, ça m'embête. Alors, j'ai songé à toi. Et à vous, chère Madame Chopin. Je me suis dit, l'enfant sera bien soigné par ses bons amis. Et puis un de plus, un de moins. Mais on est des frères, pas vrai. C'est ah, comme ouais. Si la gosse était à moi. Pauvre Fifine, qu'elle est à nous. On verra, on verra. C'est tout. Ouais, tu m'entends, Ragdal, tu peux claquer ce soir la piote à une famille. Et une chouette. M'en va, nom de Dieu. Les Chopins, rien de ça de luxe. Tiens, vrai, je voudrais te voir crever là, là, pour te prouver mon amitié, comme je te le dis. Merci, mon vieux, je le sais. À la vie, à la mort, entre nous. D'ailleurs, j'ai pas la prétention de t'imposer une charge. Tous les mois, je te verserai une avance. Laisse-moi me gondoler. Mais c'est trop cocasse. J'en pèterai. À se rouler comme une varique. Tu parles de verser de quoi? De raquer, toi, Ragdal? On t'aurait changé en nourrice depuis que je t'ai eu. Oui, comme tu dis, on m'a changé. Et on va en voir des vertes, des pommures et de toutes les couleurs. Ah. Oui, on verra. Le gueux rampant que j'étais a disparu. J'ai l'instrument de lutte maintenant. Pour commencer, je paie tout ce qu'on voudra et à toute la famille. Ouais, les bistrots sont encore ouverts pour arroser le nouvel an. Mes pâtes aux pommes, en route la marmaille. Bibi, Thérèse, préparez les autres. Toi aussi, le petit dernier, là, cette nuit, on se branche pas, c'est encore réveillant, quoi. Ah, reculo, réveille-toi. Ah, deux berges, ça ronfle. Oui, je l'appelle reculo, en souvenir de toi, vieux frangin. Oh, il est pas tant ce qui te ressemble. Dis, ah, dis pas non, tout craché. Viens un peu là, toi. Charmant enfant, Madame Chopin. Oh, le cap. Gentil frimousse. C'est teigne, ça piaule, ça griffe, mais c'est mignon. Un vrai petit cœur. Allez, passe devant, JB, avec la marmaille. Allez, oui, montre-nous le chemin des trois marronniers au but de Chaumont. Ragdal portera reculons. D'accord. Il y a des détails à régler à propos de sa môme. Pour ce soir, elle restera là. Qu'elle chiale, quand qu'elle voudra, je m'en fiche. Allez, toi, le chien, tu restes là. Allez. Et la mignonnette demeura seule dans la chambre pleine de ténèbres, empuantie par les relents du vin et la fumée des pipes. Oui, toute seule désormais dans la vie de souffrance où elle allait s'enfoncer. Pauvre, pauvre Rose-Aimée. C'est les petits des grandes villes, les petits au cul mal lavé. Contingent des guerres civiles qui poussent entre les pavés. Sans gâteau, sans joujou, sans fringues et quelquefois sans pantalon. Ils vont dans de vieilles redingues qui leur tombent sur les talons. Ils traînent dans des philosophes leurs petits pieds endoloris, serrés dans de vagues étoffes. Chaussettes russes de Paris. Ils naissent au fond des impasses, ils dorment dans des lits communs où leurs daronnes font des passes avec les autres et les uns. Et quand ils meurent dans ces fanges, ils vont tout droit au paradis, car ces petits-là sont les anges des ruelles et des taudis. C'est les petits des grandes villes, les petits au cul mal lavé, contingent des guerres civiles qui poussent entre les pavés. Ragdal, je crois pas du tout à ton histoire de replâtrage avec ta légitime. T'as en réalité plaqué avec ton fils. La môme que tu nous apportes est la preuve de l'existence d'une autre maîtresse. Mais si je la tiens, ton tant pis, la morveuse verra les pots cassés. Oh, déconne pas. Oh, pourquoi as-tu disparu depuis si longtemps? Tu m'as salement lâché, cochon. T'en as soupé de moi. Trempaillonné de lâche. T'es folle. J'ai eu des ennuis. Obligé de me tirer en province. Ah oui. Et quant à la môme... Ouais, ta fille. Mais non, grosse bête. Je te raconterai tout le moment venu. Ce soir, je peux te dire une chose. L'enfant est un vrai trésor pour nous. Une fortune dans l'avenir. Et laisse-moi faire, tu verras. T'as pas besoin de comprendre. Seulement, il faut un jour ou l'autre se servir de la petite pour agir sur le père. Ne paume jamais le bavoir où est brodé le nom Rosémé. Ah, c'est un mec de la haute, hein, un gros riche. Tu commences à saisir, hein? Oh, je me méfie toujours de tes boniments. Me jures-tu que c'est la vérité, que tu n'es pas le père? Mais je te le jure! Là, t'es contente? Moi, je vais te persuader, tiens. Voilà un gros bifton. Oh. Et n'oublie pas, cette môme, c'est tes futures rentes. Voilà les trois marronniers! Et du même coup, gâte un peu notre petit reculo. Allez, tout le monde s'installe. Ernest, Ernest, cherche deux chandelles et plus qu'à jeter pour commencer le bal. Bon, bonne et joyeuse à tous. Une affaire urgente me réclame. Oh, sacré lâcheur, ben, c'est ma tournée. Tu t'en vas au bon moment. Tu reviendras avant l'année prochaine. Dans la semaine, c'est promis. Bonsoir, Fifine. Il est revenu, mon chéri Minou. Perdu sans espoir depuis la naissance de Roculo. Subitement reparu. Reconquis, peut-être. Mais avec une môme. Comme pas celle-là. Mais d'où que ça sort, mais d'où que ça sort. Du paillon à la clé. Il se fout de moi dans les grandes largeurs, le chameau. Je suis bête. Je le tiens avec cette gosse. J'en ai le si beau le retourner. Quand on aime, c'est pas comme quand on n'aime pas. Un mâle et un fameux pour Ragdal. Mais avec lui, c'est toujours peau de balai, balai de crin, alors. Mais pourquoi ce gros Fafio? Pourquoi que je la boucle? Et vive la sociale! Vive la sociale! Ouais, vive la sociale! Frère, faut que ça change, marchons d'aplomb, marchons d'aplomb. Il faut que chacun mange bourgeois du pain ou du plomb. Ou du plomb. En avant tous les meurs la faim. En avant tous les meurs la faim. Pauvre, révoltons-nous enfin. Pauvre, révoltons-nous enfin. Aux armes, citoyens, malgré les biscayens. Sans souci des défaites, marchons d'aplomb, marchons d'aplomb. Qu'épigare aux casquettes, bourgeois du pain ou du plomb. Les flics. Force à la loi et aux tas de salauds qui la représentent. Riches séditieux, chants anarchistes. Ivresse manifeste sur la voie publique. Chopin, ton compte est bon. Allez, embarquez-moi tout ça. Vive les familles! Et toute la famille, grands et petits, échoua au poste. Et là-haut, rue des Pyrénées, dans le logis du pauvre et bon Pochard, Rosémé, l'enfant abandonné, la délicieuse créature s'éveillant dans le froid glacial qui envahissait la chambre, se lamentait d'un gémissement doux et timide, sans fin. l'inexprimable plainte de l'agneau perdu, le vagissement si tendre de l'enfant nouveau-né qui cherche sa mère. Ta mère, tu n'en as plus, ô petite rose aimée des bas-fonds de Paris. À la baie sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. On n'avait pas connu son père, on n'avait plus de mère, et depuis 1900, elle demeurait chez sa vieille aïeule, où quand s'élevait comme ça toute seule, rue Saint-Vincent. À travailler déjà pour vivre, et les soirs de givre, sous le froid noir et glaçant, son petit fichu sur les épaules, à rentrer par la rue des Saules, rue Saint-Vincent. À voyer dans les nuits de gelée, la nappe étoilée, et la lune en croissant, qui brillait blanche et fatidique sur la petite croix de la basilique, rue Saint-Vincent. L'été parlait chaud crépuscule à rencontrer Jules, qui était si caressant, qu'à rester la soirée entière avec lui près du vieux cimetière, rue Saint-Vincent. Mais le petit Jules était de la tierce qui soutient la gerce, aussi l'adolescent. Voyant qu'elle ne marchait pas au pantre, d'un coup de surin, lui trop à le ventre, rue Saint-Vincent. Quand ils l'ont couché sous la planche, elle était toute blanche, même quand l'ensevelissant, les croques mordisent et que la pauvre gosse était claqué le jour de sa noce, rue Saint-Vincent. À la baie sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, à santé bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. C'est pas un pote à vous? Tiens, Bibi Chopin, qu'est-ce que tu racontes? Faut aller réclamer le dab, la dabuche, les frangines et même le petit reculot. Ça presse! Après votre départ, tout le monde était secoué. Il y a eu du grabuge avec les cognes. Moi, j'ai pu me tirer des flûtes, et me voilà. Il y a des heures que je vous cherche. Mon petit Bibi, je suis pas le préfet de police, moi. C'est que vous avez le bras long. La daronne en a jacté. Et masque, elle vous connaît dans les loinquiers. Et qu'est-ce que tu insinues? C'est pas pour rien qu'on t'a surnommé la frappe. À ton âge, tu promets? Ça peut te coûter de dégoiser à tort et à travers. La mère Chopin s'est vengée de mon lâchage en clabaudant partout que je suis de la boîte. Malheur. Sûr, je suis l'ami d'Anatole Chenu. Il bat des planques au Batignol et il en profite pour soulever les gonzesses maquées avec les garçons de la place Clichy. Bon, Anatole est un indique, une casserole, mais pas moi. Et tiens-toi-le une fois pour toutes. Et tire-toi avant que je te botte le cul. Néanmoins, Ragdal obtint gain de cause seulement en tant qu'ami d'Anatole. Du moins, en partie, car les cognes relâchèrent Fifine et ses mômes, mais ils gardèrent au frais J.B. Chopin. Allez, allez, allez, la marmaille, au pieu! Au pieu! Dis, Ragdal, même ta môme, elle en écrase déjà. Dis donc, toi, qui c'est qui t'a encore fringué comme un Jésus? Hein, les polos, ouais. Le vieux tailleur. Ta copine toujours. Ouais, ou les copines des traînées, des salopes. Oh, t'es plus gironde que toutes ces poufiasses. Et je te le prouve, je reste. Oh. Hein? Je suis pas chouette avec toi? Allez, répète-le. Ah, faut-il que je te gobe? Oh, pourquoi que je te gobe tant, moi aussi? Oh. Oh, sale type. Eh oui. maman s'appelait Flora, elle connaissait pas son papa. Toute jeune, on l'a mis à l'école, à Batignolles. Elle poussa comme un champignon, malgré qu'elle ait reçu plus d'un gnon. Soir en faisant la cabriole à Batignolles. Elle avait des manières très bien, elle était coiffée à la chien, elle chantait comme une petite folle à Batignolles. Quand elle se baladait sous le ciel bleu avec ses cheveux couleur de feu, on croyait voir un auréole à Batignolles. Elle avait encore toutes ses dents, son petit nez où ce qui pleuvait dedans était rond comme une croquignole à Batignolles. Elle buvait pas trop mais assez, et quand elle vous soufflait dans le nez, on croyait renifler du pétrole à Batignolles. Elle gagnait pas beaucoup d'argent, mais j'étais pas ben exigeant. On vend de l'amour pour un obol à Batignolles. Je l'aimais autant que j'ai pu, mais j'ai pu plus lorsque j'ai su qu'à me tromper avec Anatole à Batignolles. Alors on m'a donné congé, mais le bon Dieu m'a ben vengé. Elle vient de mourir de la variole à Batignolles. La morale de cette raison-là, c'est que les petites filles qui n'ont pas de papa doivent jamais aller à l'école à Batignolles. C'était « Les bas-fonds de Paris » par Jean-Jacques Stine, d'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, quatrième épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand et Dominique Paturel, Ragdal, Yvonne Clesch, Fifine, Claude Richard, J.B. Chopin, Michel Pâtre, Bibi, René Renaud, le journaliste. Avec Pierre Riche, le cocher, Philippe Moreau, le policier, et Ginette Franck, Marie-Béatrice Gras, Olga Pelletier, Joël Guigui, Yves Fabrice. Au piano, Roger Pouli. Bruitage, Patrick Martinache. Collaboration technique, Maurice Biard. Prise de son, Madeleine Sola. Assistante, Annie Delers. Réalisation, Claude Roland-Manuel. Ce quatrième épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 3 septembre 1981. Le cinquième le fut logiquement le 4 septembre 1981. Le voici. Elle avait sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. Les bas-fonds de Paris par Jean-Jacques Stine. D'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, cinquième épisode, avec Jean-Roger Caussimon, Monique Thierry, Pascal Mazzotti, Roger Mollien, Daniel Vol, Dominique Paturel, Marianne Épin, Philippe Derez, Marguerite Cassan, René Renaud. Réalisation, Claude Roland-Manuel. Mademoiselle, écoutez-moi donc, je voudrais vous offrir un verre de madère. Mademoiselle, écoutez-moi donc, je voudrais vous offrir un amer picon. Non, monsieur, je ne vous écoute pas, je ne bois pas tout ça, je ne bois que de l'eau claire. Non, monsieur, je ne vous écoute pas, je rentre chez moi, je demeure à deux pas. Mademoiselle, écoutez-moi donc, je veux pas vous emmener aux 18 marmites. Mademoiselle, écoutez-moi donc, venez avec moi dîner chez Bignon. Non, monsieur, je ne vous écoute pas, quand j'ai faim, je mange des pommes de terre frites. Non, monsieur, je ne vous écoute pas, car chez mes parents, je prends tous mes repas. Mademoiselle, écoutez-moi donc, je voudrais vous offrir une petite calèche. Mademoiselle, écoutez-moi donc, je voudrais vous offrir un petit phaéton. Non, monsieur, je ne vous écoute pas, je fais mes courses à pied, je suis pas une vue sèche. Non, monsieur, je ne vous écoute pas, j'aime mieux les promenades en voiture à bras. Mademoiselle, écoutez-moi donc, chez moi je vous laisserai porter la culotte. Mademoiselle, écoutez-moi donc, chez moi je vous laisserai porter le pantalon. Non, monsieur, je ne vous écoute pas, si vous continuez, je vous flanque une calotte. Non, monsieur, je ne vous écoute pas, si vous continuez, je vais taper dans le tas. Mademoiselle, écoutez-moi donc, laissez-moi presser votre taille de guêpe. Mademoiselle, écoutez-moi donc. Sacrée madame, je vous demande pardon. Voilà donc reléguée dans un taudis de Belleville, Rose Aimée, fille de la comtesse Adrienne de Charmeuse et de l'architecte Jean Robin, expatriée en Amérique et ignorant de sa paternité. En effet, le comte de Charmeuse, voulant se débarrasser d'une façon ou d'une autre de l'enfant de sa femme, s'adresse au Marlou Ragdal, mais celui-ci la confie à Jean-Baptiste et Fifine Chopin. Ragdal était un homme universel. Le lendemain, il explorait les alentours de l'hôtel de Charmeuse, sans but bien défini. Il voulait savoir, à tout hasard. Et comme il avait du flair, pour se rencarder, il jeta son dévolu sur Julie. La femme de chambre d'Adrienne de Charmeuse. Le père d'Adrienne, le banquier Bonnaire, avait autrefois acheté Julie pour détourner les lettres échangées entre Adrienne et Jean Robin, faisant ainsi croire à sa fille à la trahison de son prétendant. Tout juste. Julie. Julie la peste. Un matin, elle sortait prestement par la porte de service et filait sur le boulevard Saint-Germain dans la direction de Saint-Germain-des-Prés. Sapé comme un dandy, Ragdal lui emboîta le pas, souriant, la canne virevoltante, la moustache en accroche-cœur. Mademoiselle, écoutez-moi donc, je voudrais vous offrir un verre de madère. Non, monsieur, je ne vous écoute pas, je ne vois pas tout ça, je ne vois que de l'eau claire. Comment vous appelez-vous, bel enfant? Si on vous le demande, vous pourrez toujours dire que vous ne le savez pas. Ah, aussi spirituel que joli. Veillez-vous ça, monsieur. Voulez-vous me laisser passer? Ma maîtresse m'attend et je suis pressée. Si pressée que ça. Puisque je vous le dis. Méchante. Tenez, justement, la terrasse des deux magots nous tend les bras. Un petit apéritif n'engage à rien, vous avez bien 5 minutes. Hein? Je ne suis pas un de ces coureurs de jupons. Oh, air connu. Oh, je suis artiste peintre. Et je descends de la butte Montmartre en quête d'inspiration. Je vous aspire. Ah, vous pouvez pas savoir à quel point. Posez pour moi votre prochain jour de sortie, nous en profiterons pour aller au bal. Hein, à l'Élysée Montmartre, à côté du Mirliton de Bruant, le plus chouette bal de Paris. Et à Montmartre, c'est mon village. À condition de ne pas rentrer trop tard, n'est-ce pas? Je vous raccompagnerai en fiacre. Je m'en voudrais de vous causer des ennuis avec vos patrons. Enjôleur, va. Laissez-moi me sauver, vous allez me faire gronder par madame. Oh, pas tout de suite. Elle a suffisamment de soucis avec monsieur le comte. Hein, il y a de l'eau dans le gaz. J'adore les potins. Les miens ne vous intéresseraient guère. De votre gentille bouche, tout doit être charmant. Ça vous amuserait peut-être de me faire perdre ma place? Moi, je vous en trouverai une meilleure. Et où ça? J'y cours. Mais dans mon cœur. Et même dans mon lit. Oh, pour ça? Jamais de la vie. Menteur. Vous pouvez rien vous taper. Le galant Ragdal ne brusqua rien et ils s'installèrent aux deux magots. Il fit sonner ses louis en réglant leur consommation et prit congé de la belle Julie après avoir obtenu le rendez-vous désiré. Elle se sauva en tortillant gentiment du gros pion. Naturellement, Julie succomba vite. Elle était allumée et prête à se consumer. Mais Ragdal, en homme d'expérience, la laissa poireauter. Il possédait une garçonnière, passage Stevens, une riche occase, le nid d'une demi-mondaine à la côte dont il avait racheté tout le bazar en bloc. Et pas cher. Parfois, il faut savoir raquer. Gueule d'Empeigne et la Poilue, vedette de l'Élysée-Montmartre, en rote positivement, prise d'un grand respect pour ma personne. Ragdal organisait désormais des quadrilles à domicile. Et s'il offrait le champagne, il en vendait également. Et il vendait de tout, d'ailleurs. Et même des filles, sous prétexte de lancer des artistes. Les vieux y trouvaient leur compte, et lui aussi. On jouait, naturellement. Et la police, grâce à l'ami Anatole, fermait les yeux. Mince, qu'il est recherché, mon monsieur. Julie en avait l'œil humide. Elle en bavait, elle aussi, de se payer ça toute seule, croyait-elle, la naïve. Tu ne me tromperas pas? Tu n'auras pas d'autre femme? Tu parles, mignonne. Au grand jamais. Ah, tu juges. Puisque tu es seule et riche, pourquoi ne me prendrais-tu pas tout à fait avec toi? Oh, mince d'une proposition saugrenue. Merci. Ben non, tu te gourdes du tout au tout, ma belle. Impossible, hélas. Sans ça, tu penses. Tu es Marita. Malheureusement. Ah, ne me parle pas de cette garce. Les légitimes, toutes des emmerdeuses. Oh là. C'est comme ma patronne. Tu lui refilerais le bon Dieu sans confession. Et Julie livra tous ses secrets, ceux de Bonheur et d'Adrienne, sur l'oreiller du beau Ragdal, heureuse de l'attention qu'il lui prêtait, sans en avoir l'air. Comme les autres, elle avait Ragdal dans la peau de sang. Le salaud. Le chéri minou de Fifine avait une de ces façons de vous allumer une gigolette. Quelle secousse. Pauvres alouettes, elles y tombaient toutes. Même la sage-femme qui avait accouché Adrienne. Le beau Ragdal s'était carrément présenté comme étant de la grande maison en compagnie de son cher ami Anatole. La sage-femme, qui n'avait peut-être pas la conscience très nette, parla et avoua, à travers ses réticences professionnelles, qu'il s'était passé quelque chose de pas très clair. La conviction de Ragdal était faite. Rosémée, l'enfant que Charmeuse lui avait remis, était bien celui d'Adrienne Bonnet. Seul, donc, Ragdal connaissait entièrement le secret du comte Roger de Charmeuse. Et en somme, il était maître de la situation. C'était sa grande affaire, et comme Newton pour la gravitation universelle, il y pensait toujours. Exactement. Une feuille de chou que Ragdal avait lancée un peu au hasard commençait à lui rapporter gros, grâce à des combinaisons plus ou moins subtiles et légales. En tant que journaliste, il se présenta à une grande soirée chez Suzanne Damour, qui révolutionnait et scandalisait tout le parc Monceau. Mais cette Suzanne Boulotra Charmeuse et Bonheur en dessert, c'est la ruine. Bien entendu, Suzanne Damour invita le chansonnier du Mirliton, ma pomme. J'avais accepté pour ma vieille copine Suzanne que j'avais connue dans la mouise. Moi aussi, j'y allais de mes félicitations, à ma manière. Charmeuse, maintenant que tu n'es plus cocu, depuis que la Suzanne Damour est devenue ta petite femme de la main gauche pour toi tout seul, je m'en vais te décoiser la chanson des michetons, faite sur mesure pour ton orgue. Vas-y Marius, nous commençons. Y a-t-il rien de plus bête qu'un micheton s'est élevé dans la haute C'est gentil, doux comme un mouton, et jamais ça ne ressaute. Ça vous dit mon rat, mon trognon, et chaque fois que ça vous quitte, ça vous laisse un peu de beau pognon pour graisser la marmite. Et vive les bichetons, c'est leur bonne galette qui fait faire risette à nos petits mectons. Et vive les bichetons, c'est leur bonne galette qui fait faire risette à nos petits mectons. C'est des hommes qui n'est pas brutal, qui sait se tenir en sauce et qu'appelle des horizontales les femmes qui fait la noce. C'est presque tous des beaux garçons remplis de délicatesse, puisqu'ils portent jusqu'à des caleçons pour pas se tâcher les fesses. Et vive les bichetons, c'est leur bonne galette qui fait faire risette à nos petits mectons. Et vive les Vous avez décidément bien de l'esprit, monsieur Bruand. Mais Suzanne n'est pas portée sur les mectons. Je suis tranquille de ce côté-là. Qu'as-tu dit ? Tiens, monsieur Ragdan, quand on parle de l'écaille, on voit le poisson. Quel joli brochet ! Et en queue de morue, décidément. Mes plus respectueux hommages, chère madame. Et qui donc vous invitez ? Mais le maître de séance. Moi ? Alors c'est vous qui m'amenez ça ? Comment osez-vous ? La presse a été conviée à votre fête et j'en suis. Faut-il vous apprendre que je dirige un journal artistique, La Pilule Dorée ? Débarrassez-moi de cet écumeur de claques, ça fouette. Et vous avez raison, nous sommes de la même marée. Oh ! Occupez-vous de monsieur, je rejoins mes invités. Je vous ai chargé d'une besogne. Je vous ai payé. Disparaissez. Un peu d'urbanité, mon gentilhomme. Ou à mon tour, je vais élever la voix. Faites. Et c'est moi, entendez-vous, qui vous reconduirai par les deux oreilles. Faut-il cracher à la face de votre infamie votre tare conjugale ? Un mot de plus. C'est fait. Demain, tout Paris lira ça dans mon journal. Quand on est sous le coup d'une accusation criminelle. Criminelle ? Substitution d'enfant. Mensonge, calomnie, chantage. Geneviève de Charmeuse. En réalité, la fille de votre maîtresse, Valentine Clément, introduite clandestinement près de votre femme comme nourrice, a pris la place de Rose Aimée, l'enfant de Jean Robin, et non la vôtre. Jean Robin ? Jean Robin ? Ah, on dirait que j'en sais plus que vous. Jean Robin ? Ah, je tuerai cet homme. Et au moins, on peut se battre avec lui. Par-dessus l'océan ? Il est en Amérique. Combien voulez-vous encore ? Quand on lâche 50 000 balles d'une pichenette, c'est que la chose en vaut 100 000. Vous m'avez arnaqué de moitié. Complétez les 100 000 balles. Pas sur votre compte, il risque d'être vide. Et je n'aime pas attendre. Bien. Je vais vous signer un bon sur la banque Bonheur, mon beau-père. Ah. Elles ont raison, les filles. Après nous, la fin du monde. Entrez. Bonjour, monsieur. Monsieur ? Je vous en prie. Asseyez-vous, monsieur. Merci. Monsieur, mon caissier me transmet ce bon. Il a bien fait de m'en référer. Ce bon n'est pas très régulier. Monsieur Charmeuse n'a point de crédit dans ma banque. 50 000 francs, c'est une somme. Que monsieur le procureur de la République, chez qui je vais de ce pas, me fera régler. Je n'ai pas l'habitude d'entendre pareil langage. Pas plus que moi de voir un chèque impayé, monsieur Bonheur. Payez-vous, oui ou non, un ordre à vue signé de monsieur le comte de Charmeuse, votre gendre. Je vous préviens que je n'attends jamais après mon dû. bien. Vous comprendrez que, pour une pareille somme, j'aimerais que vous me décliniez nom, domicile, qualité. Oh, qu'à cela ne tienne, j'ai rien à cacher, moi. Il s'agit d'une dette de jeu. D'une dette. Bien. Voici votre bon paraffé. Passez à la caisse. Adrienne, je vais savoir à ton mari de venir immédiatement chez toi. Que caches-tu derrière ton dos? Fais voir un portrait. Celui de cette crapule de Jean Robin. C'est bien le moment. Oui, j'ai tort. J'ai cru au plus pur des amours. Jean m'a prise et m'a laissée avec un enfant que je n'arrive pas à aimer. Mauvaise femme. Mauvaise mère. N'exagère pas. La situation est déjà assez compliquée. Il va bien, ton mari. Monsieur de Charmeuse garde noblement la petite rose aimée. Je ne sais rien d'autre. Si, tu vas en savoir d'autre. Mais cache-moi ce portrait. Un bon de 50 000 chez moi, c'est qu'il n'a plus rien à son compte en banque. Tout a déjà filé chez Suzanne Damour. Cette salope que j'ai ramassée dans l'égout et qui s'élève au pinacle sur notre ruine. Elle nous fichera sur la paille. Tout ce que j'ai gagné. Une réunion de famille. Monsieur Charmeuse, une explication entre nous est nécessaire. Indispensable même. Reconnaissez-vous ce bon? La présence de Madame de Charmeuse vous paraît-elle utile? Absolument. Vous êtes en train de dilapider sa fortune et la mienne. Nous allons y mettre bon ordre. Vous avez tiré un chèque de 50 000 francs sur ma caisse et j'ai dû le solder. Naturellement. Vous dites, comment naturellement? Puisque vous m'obligez à parler chiffres devant Madame votre fille, je vous rappelle que sa dot se composait de 3 millions, dont un tiers seulement déposé à la Banque de France. Sans doute. Et vous n'avez plus rien. Mais pardon. Vous me redevez 2 millions. Voyez-vous ça? Vous n'avez sans doute pas examiné votre contrat, ni en gros, ni en détail, ni même écouté sa lecture. Ma foi non. C'est trop long et embrouillé pour moi. Mais le chiffre que je viens d'indiquer y figure, certainement. Exact. Non en argent liquide. Vous n'en détenez pas la libre disposition sans le consentement d'Adrien. Oh, mon Dieu, je lui donne bien volontiers. Ne parlons plus. Parlons-en au contraire. Car il faut aussi ma signature pour vendre des valeurs et des propriétés dont vous n'aurez de mon vivant que les intérêts. Mais alors, vous m'avez trompé indignement. Mais c'est un vol. Mais combien de voleurs faut-il pour faire un banquier? Oh, vous êtes le dernier des misérables. Et vous, donc? Quel nom vous donneriez-vous? Espèce de grand dos vert. Vous dites? Je dis que ça sent la marée. La haute marée, même. Oh, si vous n'étiez pas son père. Oh, non. Bien. Monsieur Bonner, par égard pour madame votre fille, je vais réfléchir et j'aviserai. Le signal de la dégringolade. Charmeuse soumit un peu tardivement son contrat de mariage à un avocat. Rien à faire, mon cher comte. Bonner vous a bien donné 3 millions de dot, 1 million en espèces et l'usufruit, c'est-à-dire la jouissance de 2 millions de biens, mais dont Bonner se réserve la nue propriété. Vous disposez donc d'un solide présent, mais il faut vous résigner à attendre les espérances. Autrement dit, cyniquement, la mort de votre beau-père. Qui dispose, lui, d'une santé à enterrer tout le monde. Mm-hmm. C'est à en crever de dépit. Je ferai des dettes. Bonheur sera bien obligé de casquer. Ne serait-ce que par considération pour sa fille. Mauvais calcul. Le banquier ne lâcha plus un rond. Défense de se ruiner de par Bonheur. Roger, suprême déchéance, s'adressa à sa femme. Adrienne vendit ses bijoux. Suzanne d'Amour, elle, montra les dents. Mon cher Roger, faites-vous une raison. Nous n'en resterons pas moins bons amis. Hein? Que voulez-vous? C'est la vie. Mon congé. Déjà? Dame, à vous de voir. Je ne puis pourtant pas vivre de l'air du temps, moi. Et pour parfaire, voilà que Valentine recommence à m'importuner. Cette fille devient plus dangereuse que Ragdal. Le Marlot, je peux au moins lui clouer le bec avec une liasse de billets. Cette folle serait bien capable d'aller tout raconter. Vous et vos scrupules de conscience! Vous me faites horreur. Rien ne vous touche. Pauvre comtesse. Comme elle regarde cette petite Geneviève qu'elle croit être son enfant. Oh, ces regards longs, douloureux, mortels. Je les revois dans mes nuits, hantées de spectres vengeurs et de bébés morts. Nous ne pouvons même plus lui avouer la vérité puisque Rose-Aimée est morte. Si je pouvais retourner à Courtenay, si votre tante pouvait me pardonner de l'avoir quittée pour vous courir après, au moins, je ne verrais plus l'infortunée comtesse, si bonne, si tendre. Je sais son martyre. Elle me l'a crié à travers ses sanglots. Je suis une mauvaise mère. Je ne parviens pas à aimer ma petite chérie comme une mère doit aimer. Si vous saviez. Valentine a trouvé la solution. Qu'elle s'exile à Courtenay avec Geneviève. Grâce à l'enfant qui porte son prénom, ma tante, la duchesse de la Roche-Cléry, me pardonnera ma mésalliance. Je vais arranger cela. Oui, mon cher Roger. Quel plaisir tu me fais après tant de peine. Oui, j'oublie tout. Je ne pense qu'à ma petite nièce, ma petite filleule. Embrasse-la mille fois pour sa vieille tante qui voudrait la manger de caresses. Oui, envoie-moi Valentine. Elle sera la gouvernante de ma gentille nièce. Je ne vois plus clair en t'écrivant. Je ris et je pleure. Je vous embrasse encore, tous. Et Valentine hâta ses préparatifs de départ. La comtesse de Charmeuse, elle, se laissa enlever son enfant sans même protester. Elle en était confondue, mais c'était ainsi. Elle accompagna Valentine à la gare de Lyon, regardant toute rêveuse l'enfant que la jeune fille tenait dans ses bras, avec l'intuition que cette pauvrette ne vivrait pas, qu'elle languirait jusqu'à la tombe. Et l'isolement d'Adrienne devint absolu. Voilà la fin de mon triste roman. Hélas, je ressens l'absence de ma fille comme un soulagement, une libération définitive. Je suis seule désormais, sans parents, ni amis, sans époux, ni enfant, sans amour. Dieu me punit. Non. Je ne puis aimer l'enfant de Jean Robin. L'ingrat. Le traître. Et pourtant, mon cœur bat. chaque fois que je lis son nom dans les journaux. Ils m'apprennent que tu révolutionnes l'Amérique. Tu fais fortune. Malheureux Jean. La fièvre de l'or et du succès te perd. Tu n'as plus ni cœur, ni âme. Messieurs, dames, je vous demande pardon, je vais vous chanter la chanson de la braise. Ah, voyez-vous, c'est qu'ici-bas, on est à plaindre quand on n'a pas de braise. Y'a pas à dire, mon petit papa, le plus malin, c'est celui qui a de la braise. Pour être un monsieur comme il faut, pour avoir le droit de parler, il faut de la braise. La braise est un levier puissant, il faut aux petits comme aux grands de la braise. Un pédant doublé d'un fruit sec devient un homme d'esprit avec de la braise. La braise, c'est le derbe du jour, aussi faut voir ce qu'on fait pour de la braise. On vend sa plume et son talent, son cœur, son âme en demandant de la braise. Bref, je le répète, tout est là, en tout lieu, on vous demandera de la braise. Vous venez ici vous amuser, mais faut commencer par donner de la braise. Moi, pour chanter ma petite chanson, qu'est-ce que je demande à mon patron de la braise? Et l'auteur a fait cette scie-là dans l'espoir qu'elle lui rapportera de la braise. C'était Les Bas-fonds de Paris par Jean-Jacques Stein. D'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, cinquième épisode. Avec Jean-Roger Cossimon dans le rôle de Bruand. Et Monique Thierry, Adrienne. Pascal Mazzotti, Bonner. Roger Mollien, Roger de Charmeuse. Daniel Vol, Suzanne Damour, Dominique Paturel, Ragdal, Marianne Épin, Julie, Philippe de Rez, l'avocat, Marguerite Cassan, la duchesse de la Roche-Cléry, René Renaud, le journaliste. Chansons interprétées par Caroline Claire, Francine Bouffard et Jean-Roger Cossimon. Au piano, Roger Pouly. Bruitage, Patrick Martinache. Collaboration technique, Maurice Biard. Prise de son, Madeleine Sola. Assistante, Annie Delers. Réalisation, Claude Roland-Manuel. À la vie sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle. Sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. Elle n'avait pas connu son père, elle n'avait plus de mère, et depuis 1900, elle demeurait chez sa vieille aïeule, qu'elle s'élevait comme ça, toute seule, rue Saint-Vincent. Ces quatrième et cinquième épisodes ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 3 et 4 septembre 1981. À suivre, et d'ici là à télécharger, ainsi que les épisodes précédents sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.